إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. On a parlé la dernière fois, on s'est arrêté au terme et fait partie de la sunna impérative, celle dont quiconque en délaisse une caractéristique, car il l'a refusée et n'y a pas cru, ne fait pas partie de ses partisans. On a expliqué un petit peu cela en disant qu'il ne suffisait pas de voir en une personne une ou deux caractéristiques parmi les caractéristiques des gens de la sunna pour le juger faisant partie des gens de la sunna. Et on a parlé des différents cas, du cas où on n'a pas besoin d'enquêter sur la personne. Alors là, c'est une bid'a d'aller enquêter sur lui et de poser trop de questions. Et du cas où il y a une nécessité d'enquêter sur la personne quand on veut faire des relations plus proches avec lui, que ce soit le mariage, que ce soit le commerce, que ce soit le prendre en ami, ou alors, encore plus important que tout cela, pour prendre la religion chez lui. Et quand on dit qu'on a besoin d'en connaître plus sur lui, ce n'est pas sur sa vie privée. Ce n'est pas sur des choses intimes qui ne nous regardent pas. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. Beaucoup de gens s'intéressent à la vie privée, par exemple, des prédicateurs ou des ulama ou des « Ah, qu'est-ce qui s'est habillé aujourd'hui ? Sa femme, elle est comment ? Son enfant ?» Non, ça c'est de l'espionnage interdit. Ça, c'est se mêler de ceux qui ne nous regardent pas. « Ah, il a fait tel geste, ah, il est allé dans tel endroit. » Malheureusement, certains aussi ont cette dérive. C'est-à-dire, il y a des personnages publics qui joue ce jeu-là du, comme entre guillemets, du show. Ah, j'ai mangé telle chose à midi, j'ai fait du sport tout à l'heure, j'ai voyagé à tel endroit. Qu'est-ce qu'on en a à faire de ce que t'as mangé ou t'es parti? Barakallahu fik. Qu'est-ce qu'on en a à faire de ta vie? Transmet. Allah a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on veut pas savoir ta vie personnelle. Barakallahu fik. Mais ça, c'est une chose détestable et je hais voir quelqu'un de science ou un prédicateur se mettre en scène de cette manière-là et se prendre pour une star. C'est une chose détestable en islam. Et ça, c'est un signe que la personne commence à appeler vers elle-même. Et elle n'appelle pas vers Allah subhanahu wa ta'ala, même si elle utilise la vérité et même si elle transmet la vérité. On n'a pas besoin de connaître la vie privée des savants ou des étudiants ou des prédicateurs. Quand on dit savoir si c'est une personne de la sunna, c'est, on enquête sur deux points. Le premier point, sa religiosité, sa piété, sa religiosité, sa mise en pratique de l'islam, son manhaj, la voie qu'il suit en général. Ça ne veut pas dire on va rentrer dans les détails, qu'est-ce qu'il prie à la maison, qu'est-ce qu'il fait la nuit, non. C'est-à-dire, il n'est pas connu de lui de faire des grands péchés ou d'être constant dans les petits péchés. Il est connu qu'il est constant dans la religion. Il est connu qu'il est sur la bonne voie, la voie de la sunna. Voilà. C'est ça qu'on a besoin de savoir dans sa religiosité. Et son niveau de science. Son niveau de science, il peut être connu par plusieurs manières. Un diplôme. Un diplôme, ça prouve que la personne, elle a étudié certaines matières pour obtenir ce diplôme. Deuxièmement, ça peut être connu par la tazkiya des ulama sur son niveau de science. Ou alors leur témoignage. Ou une ijaza. Par exemple, tel étudiant a étudié chez moi telle matière. Ou bien je connais de lui qu'il est capable d'enseigner telle matière, ou je l'ai déjà testé sur les questions religieuses, c'est quelqu'un en qui on peut faire confiance, ou encore s'il fait une parole plus large, revenez à cette personne pour poser vos questions religieuses, dans ce cas-là, c'est qu'il considère qu'il est apte à répondre aux questions religieuses. Voilà. Une autre manière aussi de connaître cela, c'est que cette personne, alhamdoulilah, elle enseigne et elle fait la da'wah et elle est connue chez les étudiants de son pays, de sa région, pour être quelqu'un qui enseigne et qui est sur la bonne voie et qui est apte à faire ce qu'il a à faire. Parce que, en vérité, les gens de science n'ont pas le droit de se taire sur une personne qui n'est pas apte à enseigner. Que ce soit du point de vue de la méthodologie et de la voie qu'il suit, ou bien que ce soit du point de vue de sa connaissance, ou parfois même du point de vue de son comportement. Il y a des gens, par exemple, qui peuvent être sur une bonne voie générale, qui peuvent avoir des connaissances, mais c'est un fanfaron. C'est une personne qui n'a pas de politesse. C'est une personne qui éduque mal la jeunesse, qui leur donne une mauvaise éducation dans leur religion. Cette personne aussi, on peut mettre en garde contre elle, même s'il est de la sunna et même s'il a des connaissances. Parce que, par exemple, il enseigne à la jeunesse de ne pas respecter les savants, de tenir tête à tout le monde, de rentrer dans tous les sujets, de donner son avis sur tout. Par exemple, il y a des gens aujourd'hui qui sont montrés du doigt, qui sont considérés par beaucoup de gens comme étant des gens qui ont de la science et qui sont sur la sunna, mais qui donnent une mauvaise éducation à la jeunesse ou aux gens en général. C'est pour ça que les savants parleront. Et quand les savants ne parlent pas, on est dans un pays où il n'y a pas de savants, alors personne ne parle. Si les savants ne parlent pas, personne ne doit parler. Est-ce que les savants, ils connaissent tous les prédicateurs en France? La plupart, ils ne les connaissent pas. Donc, dans ce cas-là, les étudiants du pays sont responsables de parler. Ils ne peuvent pas se taire comme ça, laisser n'importe quel ignorant parler, n'importe quel égaré, il parle, n'importe quelle personne qui n'a pas les compétences d'enseigner, il enseigne. Barakallahu fikum. Donc, on en a parlé la dernière fois, mais comme on y revient ici, c'est-à-dire qu'on doit s'assurer que la personne réunit tous les fondements de la sunna pour juger qu'il fait partie des gens de la sunna. Donc quand l'imam Ahmed rahimahullah dit que s'il l'a refusé et n'y a pas cru, il ne fait pas partie de ses partisans, des partisans de la sunna. Donc s'il ne fait pas partie des partisans de la sunna, il fera donc partie des partisans de quoi? De l'hérésie, de l'innovation. Qu'Allah Ta'ala nous en préserve tous. L'innovation et l'hérésie, elle est de deux types. Il y a l'hérésie majeure et l'hérésie mineure. L'hérésie majeure, c'est la grande bid'a, c'est-à-dire l'innovation qui est une mécréance majeure. Et il y a les innovations qui ne sont pas arrivées jusqu'au point de la mécréance majeure. Barakallahu fikum. L'hérésie, en vérité, elle est fondée sur la passion. Et en vérité, la personne qui suit l'innovation, elle a pris sa passion en divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'Ibn al-Qayyim dit qu'en vérité, l'innovation, elle résulte d'une part de mécréance et elle repose sur elle. Car la personne, en vérité, il a préféré suivre ses passions plutôt que suivre la révélation. Mais comme je vous l'ai dit auparavant, ce n'est pas tout innovateur qui devient mécréant par son innovation. Il y a des innovations qui arrivent jusqu'au point de la mécréance et d'autres innovations qui sont graves, des graves péchés, mais qui n'arrivent pas au degré de la mécréance majeure. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat al-Jathiyah, verset 23, dans le sens des versets, « N'as-tu pas vu celui qui a pris sa passion pour sa propre divinité ? Et Allah l'égare sciemment et scelle son ouïe et son cœur et étend un voile sur sa vue. Qui donc peut le guider après Allah ?» C'est pour cela que les gens de la sunna ont appelé les partisans de la bid'a, de l'innovation, ahlul ahwa, les gens des passions. Quand on dit, c'est une personne des passions, il fait partie des gens des passions. Ça veut dire quoi? Des gens de l'innovation. Des gens de l'innovation, car les gens de l'innovation, ils ont suivi leur passion. Et ils ont contredit ce qu'Allah tabaraka ta'ala a révélé, la religion d'Allah, en suivant leur passion. Et les sectes principales qui ont existé dans ce domaine-là et dont leurs effets existent jusqu'à aujourd'hui, il y a les Khawarij, les Rafida, les Mu'tazila, les Jahmiya, les Murji'a, les Soufiya, les gens qui croient en l'incarnation, qu'Allah s'incarne dans ses créatures, les gens qui croient au panthéisme, l'incarnation c'est Al-Hulul, le panthéisme c'est Wahdatul Wujud, quand on dit wahdatul wujud, c'est-à-dire pour eux, il n'y a pas de créature ni de créateur, tout est un. Et ceux qui disent l'incarnation, eux, ils disent Allah s'incarne dans ses créatures. Ou les adorateurs de tombes, etc. Concernant toutes ces sectes-là, surtout les sectes principales, j'ai fait une série de 3 conférences à l'île Mayotte l'été dernier sur un livre de Cheikh Al-Fawzan rahimahullah qui s'appelle La vérité sur les sectes. La vérité sur les sectes. Inch'Allah, bientôt il sera sur Internet. Dans cette série de conférences, la première partie, je parle de la voie à suivre, de l'importance de connaître les sectes, etc. Puis les 2 dernières parties, je détaille un peu les plus grandes sectes connues en islam. Donc c'est intéressant de ce point de vue-là, pour ceux qui veulent en savoir plus sur les grandes sectes mères d'où toutes les autres sectes ont découlé. Et je fais une parenthèse aussi sur les soufis, après avoir parlé des 4 sectes mères, et un petit peu de Jama'at al-Tablir et d'Ikhwan al-Muslimin. Puis le Cheikh, l'imam, rahimahullah, a dit « La foi dans le destin, bon et mauvais » Donc, il cite ces différents fondements et caractéristiques que quiconque en délaisse une, il ne fait pas partie des gens de la sunna. C'est-à-dire, c'est un mubtadi', c'est un innovateur. Et on a dit, ça peut être un innovateur de la grande innovation, c'est-à-dire mécréant par son innovation, ou un innovateur de la petite innovation, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas au degré de la mécréance majeure. Donc, il a cité le premier point, la foi dans le destin, bon et mauvais. Croire en la véracité des hadiths qui sont relatifs et avoir la foi en eux. On ne dit pas pourquoi ni comment. Donc toute personne qui ne croit pas dans le destin, il ne fait pas partie des gens de la sunna. On dira même il ne fait pas partie des gens de l'islam. Car croire au destin est un pilier de la foi. Celui qui renie un pilier parmi les piliers de la foi n'est pas musulman. Donc la foi au destin, ça a été clairement justifié par le Coran et par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allah Ta'ala a dit dans le sens des versets dans Surat Yassin, et nous avons dénombré toutes choses dans un registre explicite. Donc toute chose qui se produit ou tout corps qui a existé, Allah en a eu connaissance et l'a déjà enregistré, subhanahu wa ta'ala, dans les tablettes gardées. Parmi les arguments confirmant la croyance au destin, il y a la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans Surat al-Qamar, verset 49, dans le sens de ces paroles, nous avons créé toute chose avec une mesure prédestinée. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Ainsi Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé l'ange Jibril alayhi salat wa salam rencontrer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam afin d'enseigner à la communauté musulmane les fondements de la religion et ses piliers sur lesquels s'édifie cette religion et par lesquels elle se fortifie. Donc, l'ange, comme vous connaissez le hadith de Omar ibn Khattab, il a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'islam. Il lui a répondu, l'islam consiste à ce que tu attestes qu'il n'y a nulle divinité digne d'adoration si ce n'est Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. Que tu accomplisses la salat et que tu donnes la zakat et que tu jeûnes le mois de Ramadan et que tu accomplisses le pèlerinage à la maison sacrée. Puis il demanda, qu'est-ce que la foi? Il répondit, cela consiste à croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers et au jour dernier. Et que tu crois au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Ces 6 piliers de la foi, elles sont citées aussi dans le Coran. Parfois elles sont citées séparées, parfois elles sont citées réunies, comme dans le verset de Surat al-Baqarah, verset 285, où Allah tabaraka wa ta'ala a dit, dans le sens des versets, le messager a cru en ceux qu'on a fait descendre vers lui, venant de son Seigneur, et aussi les croyants. Tous ont cru en Allah, en ses anges, en ses livres, et ses messagers en disant, nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers, et ils ont dit, nous avons entendu et obéi, Seigneur, nous implorons ton pardon, c'est à toi que sera le retour. Dans ce verset, le destin n'est pas cité. Les 5 autres piliers sont cités et non le destin. Mais le destin est cité dans plusieurs autres versets et dans plusieurs hadiths, dont le hadith de Jibril alayhi salatu wassalam. Donc, croire en la destinée bonne ou mauvaise, cela comprend le fait de croire en 4 étapes de la destinée. quatre étapes essentielles. C'est très important de bien comprendre ces étapes pour comprendre le sens de la destinée. Barakallahu fikoum. C'est très important. Quatre étapes. Science, écriture, volonté et création. Alors, on va détailler ces quatre étapes concernant la croyance au destin. C'est-à-dire quatre degrés. Le premier degré, c'est la science d'Allah tabaraka wa ta'ala, parfaite et complète, qui embrasse toute chose. C'est une science éternelle de toutes ces créatures, petites ou grandes, subtiles ou importantes soient-elles, peu importe. La science d'Allah tabaraka wa ta'ala, elle englobe dans l'espace-temps toute chose, c'est-à-dire le futur, le présent et le passé. Ceci comme dans Ayat al-Kursi, le verset du repose-pied. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Il connaît ce qu'il y a devant eux et ce qu'il y a derrière eux. Ce qu'il y a devant eux, cela englobe le présent et le futur. Ce qu'il y a derrière eux, cela concerne le passé. Donc, il connaît toute chose dans l'espace-temps. Sa science, donc, englobe toutes les périodes. Elle englobe toutes les créatures, grandes ou petites. Aussi grandes soient-elles ou aussi petites soient-elles. Et il connaît, subhanahu wa ta'ala, les œuvres de ses créatures ainsi que ses propres actes, subhanahu wa ta'ala. Les actes de ses créatures et ses propres actes. Et il connaît, subhanahu wa ta'ala, les choses en général et les choses en détail. Donc, on a dit quoi? Quatre choses, sa science, elle englobe. Tous les temps, toutes les choses en général et en détail, toutes les créatures, petites ou grandes, et toutes les œuvres, tous les actes, que ce soit parmi les actes de ses créatures ou que ce soit ses actes à lui-même, subhanahu wa ta'ala. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a donc enseigné dans des hadiths ces différents degrés, comme d'ailleurs ils ont été cités auparavant dans le Coran aussi. Donc puisqu'Allah tabaraka wa ta'ala a une science éternelle, il sait déjà tout ce qu'il va se passer, tous les actes de ses créatures, les choix qu'ils vont faire, les conséquences de ses choix. Donc il a écrit toutes ces choses-là. Il a ordonné à la plume d'écrire. D'écrire en concordance avec sa science parfaite et éternelle, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le deuxième degré. L'écriture. Donc, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Allah a établi le destin de toutes choses avant qu'il n'ait créé les cieux et la terre d'une durée de 50 000 ans. La première chose qu'Allah a créée fut la plume. Il lui dit, écris. Elle répondit, que vais-je écrire? Il dit, écris ce qui existera jusqu'au jour de la résurrection. Ce hadith, il est rapporté par Abu Dawud et Tirmidhi, et il a été authentifié par Sheikh Al-Albani, rahimahumullahu jami'an. L'écriture. Allah Ta'ala dit dans Sourate Al-An'am, verset 59, c'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable. Al-Ghaib, en vérité, la meilleure manière de traduire le ghaib, c'est l'imperceptible. C'est lui qui détient les clés de l'imperceptible et non pas l'inconnaissable. Nul autre que lui ne les connaît. Et il connaît ce qui est dans la terre ferme comme dans la mer. Et pas une feuille ne tombe sans qu'il ne le sache. Et pas une graine dans les ténèbres de la terre. Rien de frais ou de sec qui ne soit consigné dans un livre explicite. Allah Ta'ala dit dans Sourate Luqman, verset 16, dans le sens des versets, où Luqman il dit à son fils, « Ô mon enfant, fût-ce le poids d'un grain de moutarde au fond d'un rocher ou dans les cieux ou dans la terre, Allah le fera venir. » Donc Allah, il connaît toutes choses, subhanahu wa ta'ala, et il a écrit toutes choses dans les tablettes gardées. Le troisième degré concernant la foi dans le destin, c'est la volonté d'Allah. La volonté d'Allah. Il n'y a rien dans cet univers qui se passe sans la volonté d'Allah. Que ce soit en bien ou en mal. Mais la volonté d'Allah est de deux types. La volonté universelle, globale, et la volonté religieuse. La volonté universelle, cela concerne tout ce qui s'est passé et tout ce qui va se passer. Cela peut être dans certaines choses qu'Allah aime et agrée, comme dans d'autres choses qu'Allah n'aime pas et il n'agrée pas. Certains vont dire, mais comment il se passe des choses qu'Allah n'aime pas et agrée pas sur terre? Ça, c'est par sa sagesse. Allah, il a voulu que l'homme soit éprouvé et qu'il ait le libre arbitre et qu'il fasse ses choix. Et il l'a laissé, il a voulu cela, il l'a laissé choisir pour pouvoir le juger et le récompenser. Donc, ça ne sort pas de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour une sagesse. Si le mal se passe, c'est pour une sagesse plus grande. Quelle est cette sagesse plus grande? L'épreuve dans laquelle on vit aujourd'hui et le jour du jugement dernier et les gens qui vont aller au paradis et en enfer. Donc, effectivement, il se passe des choses sur terre qu'Allah n'aime pas. Mais elles ne se sont pas passées sans qu'il l'ait voulu, sans qu'il les ait laissées faire cela. Dans le sens où il a voulu, subhanahu wa ta'ala, leur donner le libre arbitre et leur laisser la possibilité de faire le bien et le mal. Donc, ce s'est passé comme Allah a voulu. Et il n'y a rien qui se passe dans cet univers sans qu'Allah ne le veuille, en bien ou en mal. Ça, c'est la volonté universelle. La volonté universelle, elle arrivera quoi qu'il arrive. Et elle peut être dans des choses qu'Allah agrée et aime, comme dans des choses qu'Allah n'agrée pas et n'aime pas. À la différence de la volonté religieuse, la volonté légale, qui peut se produire comme ne pas se produire. Allah Ta'ala dans le Coran dit qu'il aime les repentants. Il aime les repentants. Est-ce que tout le monde se repent? Non. Allah aime les croyants. Est-ce que tout le monde est croyant? Non. Allah aime la piété, la bienfaisance, les liens de parenté, la salat. Est-ce que tout le monde fait salat? Est-ce que tout le monde est pieux? Non. Donc, la volonté religieuse, elle est spécifiquement dans ce qu'Allah aime et agrée. Mais il se peut qu'elle se produise et au moment où elle s'est produite, elle fait partie de ce qui était dans la volonté universelle d'Allah. Et en même temps, elle concorde avec la volonté religieuse d'Allah, c'est-à-dire qu'Allah aime cet acte. Mais tant qu'elle ne s'est pas produite, elle reste que dans la volonté religieuse et légale. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ce point-là? Donc la volonté religieuse et légale, elle n'est que dans ce qu'Allah aime. Et elle peut se produire comme elle peut ne pas se produire. Non. Donc, le troisième degré qui est la volonté, c'est-à-dire on parle de la volonté universelle. C'est-à-dire que tout ce qu'Allah sait et savait, il l'a écrit et il a voulu par sa volonté que ces choses soient, alors il les a créées. C'est la quatrième étape et le quatrième degré de la croyance au destin. C'est que toute chose, toute créature, c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit créature, et même leurs œuvres, même ce que les créatures font comme œuvres, elles sont créées par Allah. Ce sont les créatures qui les font, mais c'est Allah qui les crée. Par exemple, quand quelqu'un fait salat, il l'a fait salat, mais il n'a pas créé cet acte. Il n'a pas le pouvoir de créer. Allah seul crée. De même, celui qui fait un mal, il a voulu faire le mal. C'est lui qui a fait le mal. Il est responsable du mal qu'il a fait. Mais il n'a pas pu créer le mal. Allah a créé cette chose comme lui, il a voulu le faire et qu'il a fait, dont il est 100% responsable. Et Allah Ta'ala dit « Wallahu khalaqakum wa ma ta'amaloun » Et certes, Allah vous a créé ainsi que ce que vous faites. Donc, cela consiste à croire au pouvoir d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, qu'il veut, qu'il a le pouvoir et qu'il a la volonté et qu'il a le pouvoir de créer toute chose. Et il n'y a rien qui existe ou qui n'existe pas sans que ce soit dans la science d'Allah tabaraka wa ta'ala, et que cette chose elle soit dans le passé ou dans l'avenir. Et tout ceci se fait par la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala. Malgré cela, Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé des messagers. Il a révélé des livres et il a donné des ordres à ses serviteurs. Et les a mis en garde contre des interdits et le serviteur, il est ordonné d'avoir des bonnes croyances, de faire des adorations, etc. Donc l'obéissant, il obéit à Allah tabaraka wa ta'ala par son propre choix et sa volonté. Qu'Allah a créé en lui. Allah, il a créé en lui une volonté et un choix qui ne sort pas de la volonté d'Allah. Donc quiconque croit au prophète, croit au Coran, suit les nobles messagers, croit en la récompense du paradis, il l'aura fait de son propre choix. Et quiconque désobéit aux messagers, les contredit, il sera jugé sur cela et il sera rétribué en fonction de cela. C'est pour ça qu'il est interdit d'argumenter par le destin ou de justifier par le destin son égarement ou ses péchés ou bien ses manquements. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné d'œuvrer. Et Allah ta'ala avant cela dans le Coran a ordonné d'œuvrer. Il a donné des ordres. Et l'être humain sera jugé pour cela. S'il est jugé, c'est qu'il a le choix de le faire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « œuvrez, car toute personne sera facilitée en fonction du but pour lequel il a été créé. » En fonction du but pour lequel il a été créé. Certains ont demandé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam « Pourquoi œuvrons-nous aujourd'hui ? Alors quel intérêt d'œuvrer aujourd'hui ? Est-ce que c'est pour des choses dont les plumes sont déjà levées et le destin est déjà fixé ? Ou bien pour des choses nouvelles ?» Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de répondre « Plutôt pour des choses dont les plumes sont déjà levées et le destin est déjà fixé. » Ils dirent « Pourquoi donc œuvrer ?» Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam répondit « Œuvrez, car chacun sera facilité en fonction du but pour lequel il a été créé. » Donc les partisans du bonheur, ils bénéficieront de la facilité dans la pratique des œuvres de bien. Et les malheureux, il leur sera facilité de faire le mal. C'est pour ça quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « œuvrer », c'est-à-dire pratiquer les lois de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, respecter les messagers qu'Allah vous a envoyés, obéissez-leur parce qu'Allah vous a doté d'un choix, d'un pouvoir, d'une raison vous permettant de distinguer la vérité du faux. D'ailleurs, c'est pour ça qu'une personne qui n'a pas la raison, il n'est pas responsable de ses actes en islam. Cette raison, elle peut nous aider de distinguer la guidée de l'égarement. Et cette raison et cette volonté qu'Allah a mis en nous, elle nous aide à choisir l'obéissance ou bien à choisir la désobéissance. Et Allah nous jugera chacun selon nos choix, selon ce que l'on a acquis comme acte. C'est ça qui nous distingue des êtres inanimés, des animaux. C'est le fait que l'on soit responsable de nos actes. Et c'est à cause de cela que la personne sera récompensée ou bien châtiée. Puis, l'imam, rahimahullah, a dit croire en la véracité des hadiths qui sont relatifs et avoir foi en eux. On ne dit pas pourquoi ni comment. Donc tous les hadiths qui parlent du destin, on doit y croire, comme le hadith de Jibril alayhi salam ou les autres hadiths qui sont cités dans ce sens-là. Ou bien comme il citera plus tard le hadith de Sadiq al-Masduq, le hadith du véridique et qui est le plus digne d'être cru, le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud. Ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La création de chacun d'entre vous est réunie dans le ventre de sa mère sous la forme d'une goutte d'eau durant 40 jours. Il devient ensuite un caillot de sang pour une période semblable et devient enfin un embryon pour une période semblable. Puis l'ange est envoyé à lui. Il insuffle alors l'âme en lui et 4 paroles lui sont ordonnées. L'écriture de sa subsistance, de son terme, de ses œuvres, et s'il sera heureux ou malheureux. Je jure par Allah, en dehors duquel nul Dieu ne mérite d'être adoré. L'un d'entre vous œuvre à la façon des gens du paradis, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une coudée entre lui et le paradis. C'est alors que l'écrit le précède et qu'il œuvre à la façon des gens de l'enfer, puis il y entre. Et l'un d'entre vous œuvre à la façon des gens de l'enfer, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une coudée entre lui et l'enfer. C'est alors que l'écrit le précède et qu'il œuvre à la façon des gens du paradis, puis il y entre. Donc ça aussi, c'est une prédestinée. Ça, c'est la prédestinée liée à la durée de vie ou aux œuvres de l'être humain dans sa vie. Donc, la prédestination, il y a la prédestination générale de ce qu'Allah a écrit dans les tablettes gardées. Après, il y a la prédestination liée à la vie de chacun. C'est celle qui est citée dans le hadith de Abdullah ibn Mas'ud que l'on vient d'énoncer. Puis, il y a une prédestination annuelle. Cette prédestination annuelle, elle intervient chaque nuit du destin, comme il est venu dans Sourate Ad-Dukhan, versets 3 et 4, dans le sens des versets. Nous l'avons fait descendre en une nuit bénie. Nous sommes en vérité celui qui avertit, durant laquelle est décidé tout ordre sage. C'est-à-dire, durant cette nuit, toute chose qui se passera dans l'année est décrétée. Et puis, il y a la prédestination journalière. C'est ce que les serviteurs font comme œuvre et que les anges écrivent chaque jour. Donc, quand on dit qu'il y a différents types de prédestination, il est clair que la prédestination qui est liée à la durée de vie, à la vie de l'être humain, elle est en concordance totale avec ce qu'il y a écrit dans les tablettes gardées, bien sûr. De même que la prédestination annuelle, elle est en concordance totale avec ce qu'il y a dans les tablettes gardées. De même que la prédestination journalière. Puis les savants ont cité plusieurs manières de comprendre cela. Certains disent que ce qu'il y a dans les tablettes gardées est en détail et ce qui vient ici chaque année ou à la vie est en général. Ou bien d'autres disent le contraire. Mais quoi qu'il en soit, il n'y a aucune contradiction. Car ce qu'il y a écrit dans les tablettes gardées est totalement la même chose que ce qui sera déterminé pour la vie de chacun et déterminé chaque année la nuit du destin et déterminé chaque jour selon les œuvres des serviteurs. Puis l'imam rahimahullah cite, on ne dit pas pourquoi ni comment et on se contente de les prendre pour vrais et d'avoir foi en eux. Effectivement, tous les hadiths qui parlent du destin, qui parlent des choses de l'invisible. On ne peut que y croire et se contenter d'avoir foi en eux et ne pas dire pourquoi ni comment. Car si on commence à poser ce type de questions, cela pousse à contredire l'ordre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, à le contredire dans sa destinée, dans sa sagesse ou dans sa législation et dans ses ordres. Donc on n'a rien d'autre à faire à part se soumettre, surtout concernant ce chapitre qui est le chapitre du destin, qui est nommé par les savants par le secret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce qu'Allah nous a enseigné parmi la science concernant le destin, alhamdulillah, et ce dont on a patience et connaissance, alors on se soumet et on y croit. Et c'est pour ça qu'on dit ni comment, ni pourquoi, mais c'est seulement l'acceptation et la foi en cela. C'est ça qui est obligatoire. Et ceci est une exigence de la double attestation de foi quand on dit « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah ». C'est que tout ce avec quoi est venu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est une vérité provenant d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc on se soumet à ce qu'il a ordonné, interdit, recommandé ou légiféré. Puis il a dit, rahimahullah, l'imam, celui qui n'a pas su interpréter le hadith et dont la raison ne l'a pas saisi, celui-là, il lui est suffisant, c'est-à-dire le hadith lui suffit et il a le statut d'être clair, muhkam. Son devoir est d'avoir foi dans le hadith et de s'y soumettre, comme par exemple le hadith de Sadiq al-Masduq, le véridique qui est le digne d'être cru. Ou bien tout ce qui a trait au destin. Ou bien les hadiths qui mentionnent le fait de voir Allah tabaraka wa ta'ala dans l'au-delà. Même si cela échappe à ceux qui l'entendent et même s'ils en éprouvent de la méfiance. Quel est le devoir du croyant? Son devoir ne consiste qu'à avoir foi en cela et à ne rien en rejeter, même une seule lettre, même une seule lettre. La même attitude doit être adoptée pour tous les autres hadiths rapportés par des transmissions de gens de dignes de confiance, des thiqat. Donc effectivement, Allah tabaraka wa ta'ala n'impose pas à une âme une charge au-dessus de sa capacité. Il est possible que beaucoup de croyants ne comprennent pas certains textes, ni n'en comprennent certaines sagesses, ni les objectifs. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Il nous suffit d'accepter et d'avoir foi, car ceci est l'exigence de la foi, et de dire « j'ai cru en l'invisible, j'ai la foi en la véracité de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, que le Coran est vérité, et que ce qu'a apporté Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est vérité, et qu'il ne parle pas selon sa passion. » Donc la personne, elle loue Allah tabaraka wa ta'ala pour ce qu'il connaît, ce qu'Allah lui a enseigné comme sagesse et comme objectif des hadiths qu'elle a pu entendre. Quant à ce qu'il ignore, il remet cela à Allah tabaraka wa ta'ala et il se suffira de ça, d'y croire et de s'y soumettre. D'y croire et de s'y soumettre. Il a parlé dans ses paroles, l'imam Ahmed rahimahullah, du fait de croire dans tous les hadiths comme le fait de croire en la vision d'Allah dans l'au-delà. C'est-à-dire croire dans tous les textes authentiques qui traitent de la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà. C'est-à-dire que le musulman, il croit que les habitants du paradis vont voir Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà. Contrairement aux Mu'tazila, qui ont mécru au fait qu'on verra Allah tabaraka wa ta'ala dans l'autre demeure. Ils se sont basés sur plusieurs ambiguïtés. Et alhamdulillah, les gens de la Sunna ont répondu à toutes ces ambiguïtés. Parmi eux, il y a l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah qui a cité 7 versets du Coran pour leur répondre et plusieurs hadiths. Parmi les versets qu'il a cités dans Sourate al-Baqarah, et sachez que vous le rencontrerez. Et dans la langue arabe, l'uqya, elle nécessite la vision face à face. Parmi les ambiguïtés qu'ils ont amenées, ils ont cité la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens « Les regards ne le cernent pas, cependant qu'ils cernent tous les regards. Et il est le doux, le parfaitement connaisseur. » Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, a répondu à cette ambiguïté. Il dit le verset, il ne nie pas le fait qu'on peut voir Allah. Et d'ailleurs, la simple négation n'est pas une éloge en soi, mais c'est la négation qui renferme l'affirmation de son opposé qui est une éloge. Et il a rapporté plusieurs preuves de cela. Donc quand Allah Ta'ala dit « les regards ne le cernent pas », dans cela il y a une affirmation selon laquelle on le verra, car il n'a pas renié la vision, mais la vision totale, le fait de le cerner. Or il n'y a rien qui cerne Allah Tabaraka Ta'ala. Même des créatures, on ne peut ne pas les cerner. Quand on regarde le soleil, est-ce qu'on cerne le soleil? On le voit de tous ses côtés? Non. Même quand on regarde une montagne, quand on regarde quoi que ce soit, on n'en voit qu'une face, n'est-ce pas? On ne cerne pas cette chose-là de la vision. Donc, le fait de ne pas pouvoir cerner Allah tabaraka wa ta'ala ne veut pas dire qu'on ne le verra pas. Il y a aussi la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala à Moussa, parmi les ambiguïtés qu'ils ont amenées, où Allah il a dit à Moussa, tu ne me verras pas, dans Sourate al-A'raf, verset 143. Donc, Moussa avait demandé à Allah tabaraka wa ta'ala de lui permettre de le voir. Si ceci était impossible ou illicite, Moussa alayhi salam ne l'aurait jamais demandé. Donc, Allah lui a répondu, tu ne peux pas me voir, tu ne me verras pas, c'est-à-dire ainsi, sur cette terre, maintenant, dans la manière dont tu es créé maintenant. Mais lorsque son Seigneur se présenta au mont, il se pulvérisa. Donc, ça veut dire qu'Allah Ta'ala lui a dit qu'il ne peut pas le voir dans la vie présente. Car dans la vie présente, personne ne peut supporter de voir Allah Tabaraka Ta'ala. La composition humaine, elle ne peut pas lui permettre d'avoir la capacité de voir Allah Tabaraka Ta'ala. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, son voile est lumière. Son voile est lumière. S'il les avait enlevés, les sublimes lumières auraient brûlé toute sa créature se trouvant au terme de sa vue. Donc, dans la composition actuelle de l'être humain, on ne peut pas voir Allah tabaraka ta'ala. Car la montagne pour laquelle Allah ta'ala s'est dévoilé, il s'est présenté à elle, elle s'est pulvérisée. La montagne. Alors comment l'être humain il peut voir Allah tabaraka ta'ala sur cette terre selon la composition dans laquelle il l'a faite. En revanche, quand Allah va ressusciter ses serviteurs, ils pourront le voir quand il les fera entrer au paradis, subhanahu wa ta'ala, car Allah les aura préparés dans une forme dans laquelle ils peuvent voir Allah, tabarak wa ta'ala. Comme Allah ta'ala dit, وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاضِرَةٌ. Des visages ce jour-là resplendissants qui regarderont leur Seigneur. Les savants ont expliqué des visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur. C'est-à-dire, ils ont été préparés. Ils ont été préparés et embellis et ils sont resplendissants et ils sont dans une forme et dans une nature qui peut accepter de voir Allah tabarak wa ta'ala. Parmi les versets qui répondent au Mu'tazila, la parole d'Allah tabarak wa ta'ala, dans le sens, dans Sourate Yunus verset 26, à ceux qui agissent en bien, est réservé la meilleure récompense et même davantage. Lilladina ahsanu al-husna wa ziyada. Wa ziyada. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par Muslim, le hadith de Shu'aib, il dit, al-ziyada, c'est la vision d'Allah. C'est le fait de voir Allah. Et il y a un bon nombre de compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont expliqué ce terme et davantage, wa ziyada, par le fait de voir Allah tabarak wa ta'ala dans l'au-delà. Car ceci est meilleur que le paradis. Quand les serviteurs seront entrés au paradis, Allah ta'ala leur dira, désirez-vous que je vous ajoute quelque chose? Ils répondront, qu'allons-nous désirer? Tu as blanchi nos visages, tu nous as fait entrer au paradis, tu nous as donné ceci, tu nous as donné cela. Puis le Seigneur se manifestera à eux, ils ne pourront pas jouir d'un bonheur plus grand que le fait de voir leur Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Les versets et les hadiths qui citent qu'on verra Allah tabarak wa ta'ala sont très nombreux. Ils atteignent une trentaine de hadiths authentiques. Parmi ceux-ci, il y a le hadith de Jarir et de Abu Huraira, où il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous verrez votre Seigneur en face, comme vous voyez le soleil, lorsqu'il n'y a aucun nuage en dessous. Et comme vous voyez la pleine lune pendant la nuit, lorsqu'il n'y a aucun nuage en dessous. Puis, l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, a dit, en parlant de tous ces textes, même si ils sonnent mal à l'oreille ou effraient celui qui les écoute. Ils sonnent mal à l'oreille de qui? Des gens de l'innovation, des gens des passions. Par contre, les gens du vrai, ça sonne pas mal à l'oreille. Ils y croient, ils ont aucun souci avec cela. Alhamdulillah, quand ils entendent les versets, les hadiths, sur la vision d'Allah tabarak wa ta'ala, cela ne sème pas le trouble dans leur cœur, ils sont apaisés à ces hadiths, ils ne sont pas perturbés. Les seules personnes qui sont perturbées, ce sont les gens des passions et de l'égarement. C'est pour ça qu'il a dit, il ne doit en rejeter aucune lettre. Il ne doit point en rejeter, ne serait-ce qu'une seule lettre. Parce que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ne parle pas selon sa passion, il ne dit que la vérité. Lorsque Abdullah ibn Amr lui dit, ô messager d'Allah, on me dit, n'écris pas ce que dit Mohammed, car c'est un humain qui parle en état de satisfaction et de colère. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui répondit, écris par celui dont mon âme est dans sa main. Il n'y a que la vérité qui sort de ma bouche. Ce hadith, il est rapporté par l'imam Ahmed et il a été authentifié par le cheikh Ahmed Shakir, rahimahullah. Allah tabarak wa ta'ala a dit en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sourate An-Najm, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Et il ne prononce rien sous l'effet de la passion, ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Puis, la même attitude doit être adoptée pour tous les autres hadiths transmis par des gens de confiance qu'ils ne discutent et ne controversent avec personne. Qu'ils ne discutent et ne controversent avec personne. Qu'ils n'apprennent pas ilm al-kalam et la logique héristique non plus. Tenir des propos sur le destin, la vision d'Allah, le Coran ou quoi que ce soit d'autre des sunnahs est détestable et interdit et prohibé. Même si ces paroles l'ont amené à la sunnah, celui qui s'y adonne n'appartient pas aux gens de la sunnah jusqu'à ce qu'il délaisse toute controverse, jusqu'à ce qu'ils se soumettent et qu'ils aient foi dans tous les textes, l'athar. Donc là, ça revient à un point que nous avons déjà traité auparavant, le fait de délaisser les débats, surtout concernant les choses de l'invisible, la vision d'Allah, le Coran. Là, on parle bien sûr des débats interdits. C'est-à-dire les gens, ils croient qu'ils vont apprendre en débattant. Ah, on débat et on va arriver à un résultat en débattant. Chacun, il donne son avis, à la fin, on va arriver à un résultat. Non, on a déjà parlé de cela. Ou bien que la personne qui met en danger sa religion, qu'il l'a fait comme un objectif pour lequel on se dispute. Celui-là, il change de religion à chaque fois. Sa religion, elle ne tient que sur des débats et des discussions. Donc, on parle de ce type de débats qui sont interdits, détestables et prohibés. D'ailleurs, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est sorti un jour, il a trouvé les gens discuter au sujet du destin. Il se mit en colère au point où ce fut comme des graines de grenadier qui s'étaient pressées sur son visage. Puis il dit, désirez-vous semer la contradiction dans le livre d'Allah? Ce hadith est rapporté par Ibn Majah, il a été authentifié par l'imam al-Albani, rahimahullah. Donc on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réprouvé cela. Et ceci justifie donc l'interdiction d'ouvrir des débats ayant trait au destin ou au reste des choses du dogme de l'islam, des croyances. Puis, ici, l'imam Ahmad dit une parole que cette personne, même si en débattant de la sorte, il arrive à la vérité, il ne fait pas partie des partisans de la sunna. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas avec les débats qu'on cherche la vérité, mais c'est avec les textes et la soumission et la croyance aux textes. Donc celui qui arrive à des résultats après une suite logique ou une déduction logique et un débat, et puis après une logique, il arrive à un résultat, même si le résultat auquel il arrive est juste et concordant au texte, il ne fait pas partie des gens de la sunna, car la méthodologie qu'il a empruntée pour arriver à la vérité, elle est fausse. Donc, les partisans de la sunna portent de l'intention à l'objectif tout autant qu'ils portent de l'intention aux moyens pour atteindre l'objectif. Les deux doivent être légiférés. Et nous ne suivons pas la règle de ce juif philosophe qui a été reprise par les frères musulmans, qui est « la fin justifie les moyens ». Non, en islam, la fin ne justifie pas les moyens. Ce n'est pas parce que tu as un bon objectif que tu as le droit d'utiliser n'importe quel moyen pour l'atteindre. Aujourd'hui, il y a des gens, ils disent « Ah, il faut qu'on mette en garde contre les gens de l'innovation. » Il ment sur eux. Il dit « Mais c'est pour un bien, c'est pour éloigner les gens d'eux. Ça ne le dérange pas de mentir. » Non, la fin ne justifie pas les moyens. En islam, la fin ne justifie pas les moyens. La fin doit être légiférée et les moyens doivent être légiférés. Donc c'est dans ce sens-là que l'imam Ahmad a dit cela. Celui qui atteint la vérité, et cette vérité il l'a atteinte par le résultat de polémiques et de débats, et suite à sa compréhension logique. Celui-là, même s'il a atteint la vérité de cette manière-là, il n'est pas parmi les partisans de la sunna. Par contre, celui qui cherche à débattre pour apprendre, par exemple quelqu'un qui ne connaît pas, et il discute, où il débat avec quelqu'un de la sunna qui a la science pour apprendre. Et en apprenant, il arrive à la vérité. Celui-là, on ne dira pas qu'il est un égaré. Ou bien quelqu'un qui débat avec les gens des passions pour montrer leur égarement, ou bien parce que certains d'entre eux cherchent la vérité. On a déjà parlé de ce sujet en détail, toutes les conditions pour débattre. Donc si quelqu'un il cherche la vérité et il veut discuter de la meilleure des manières et il est poli, et il ne ment pas, et il n'est pas obstiné, et la personne qui lui parle a assez de science pour lui répondre, alors dans ce cas-là, on débat avec lui, et on lui explique. Donc, l'imam, rahimahullah, à la fin de ce texte-là, dit, jusqu'à ce qu'il délaisse le débat et la discussion, et il se soumette et ait foi au texte. C'est-à-dire que si c'est la foi au texte et la soumission au texte qui l'ont poussé à croire dans ces points-là, Alhamdulillah, il fait partie des gens de la sunna. Mais tant que ce n'est pas ça qui l'y a poussé, mais c'est seulement sa logique à lui, ou bien la résultante d'un débat, alors il ne fait pas partie des gens de la sunna. Barakallahu fikum. Puis, il aborde un sujet essentiel à son époque concernant la parole d'Allah, le Coran. Il a dit, rahimahullah, le Coran est la parole d'Allah. il n'est pas créé. Il faut n'avoir aucune mollesse en disant il n'est pas créé. Et l'imam Ahmed a dit, la parole d'Allah n'est nullement distincte d'Allah. Absolument rien de la parole d'Allah n'est créé. Garde-toi de toute joute verbale avec celui qui innove à ce sujet, avec celui qui parle de la prononciation, lafzi, on va dire, lafzi bil Qur'an, ou autre, avec celui qui a des doutes et s'en tient à « je ne sais pas si elle est créée ou pas, je sais seulement que c'est la parole d'Allah ». Ce dernier est un innovateur au même titre que celui qui dit « la parole est créée ». Il faut s'en tenir uniquement à « c'est la parole d'Allah et elle n'est pas créée ». Ça, c'est très important. Il a cité beaucoup de points très importants ici, l'imam, dont on va parler. Alors, ce point-là, c'est un des points essentiels sur lesquels l'imam Ahmed a subi la mihna, l'épreuve, qui est le fait de dire que la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, le Coran est la parole d'Allah incréée. Le Coran est la parole d'Allah incréée. C'est très important de dire incréée, qui n'est pas créée, comme vous allez voir. Donc, les partisans de la sunna, et de l'unanimité, les gens du groupe et à leur tête, l'imam Ahl Sunnah, l'imam Ahmed ibn Hanbal, ils ont subi une très grande épreuve à ce sujet. Certains ont été emprisonnés, certains ont été fouettés, certains ont été tués à cause de cette épreuve. Cette épreuve, elle était à cause des Jahmiya et des Mu'tazila pendant le règne des califes Al-Ma'moun, Al-Mu'tasim et Al-Wathiq, qui étaient des califes abbassites. Donc, la Umma, elle a été éprouvée durant le règne de ces trois califes de la dynastie abbasside, et ce, comme on a dit, à cause des Jahmiya et des Mu'tazila qui se sont approchés des dirigeants et qui leur ont embelli ces croyances hérétiques. Mais alhamdulillah, Allah tabaraka wa ta'ala, il aide ses serviteurs pieux et les croyants. Et l'imam Ahmed, rahimahullah, il a patienté face à cette épreuve. Il a enduré des coups de fouet, il a enduré la prison, il a enduré des difficultés que même certaines montagnes ne pourraient supporter. Rahimahullah, rahmatan wasi'a. C'est pour ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala l'a élevé et qu'il fut nommé imam ahli sunnati wal jama'a, l'imam des gens de la sunna. Car personne ne peut atteindre les grands degrés de la sunna et lever son étendard fièrement sans subir d'épreuves et de difficultés. Donc, comme on avait vu dans la biographie de l'imam Ahmed, certains parmi les salafs ont dit qu'Allah a protégé la religion, a affermi l'islam par Abu Bakr le jour de l'apostasie et par l'imam Ahmed le jour de l'épreuve. Donc, le Coran et la sunna authentique prouvent que le Coran est la parole d'Allah. Allah a parlé à travers le Coran. Il l'a révélé à Jibril alayhi salatu wassalam. Et celui-ci l'a transmis à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme il l'a entendu. Allah subhanahu wa ta'ala parle quand il veut et lorsqu'il veut. Et parmi ces paroles qui ne peuvent être épuisées, il y a celle dont Allah ta'ala parle dans sourate Al-Kahf, verset 109, dans le sens des versets, dit « Si la mer était une encre pour écrire les paroles de mon Seigneur, certes la mer s'épuiserait avant que ne soient épuisées les paroles de mon Seigneur, quand même nous lui apporterions son équivalent en renfort. » Parmi ces paroles, il y a les livres révélés pour réformer les hommes, les guider, les sauver de l'égarement et les conduire vers les buts et les termes sages, dont il n'y a que lui, subhanahu wa ta'ala, qui en est connaisseur. Cela fait partie de sa miséricorde et de sa sagesse. Parmi les exigences de sa souveraineté, il y a le fait qu'il fasse des révélations aux messagers. Il leur envoie des livres afin que la vie des gens se normalise et qu'ils soient dignes d'accéder au paradis et bénéficier de l'agrément du Seigneur des mondes. Au moyen de ces livres révélés qu'ils mettront en valeur et quiconque s'obstine à les contredire, l'argument sera levé à son encontre et il méritera la rétribution des mécréants et des orgueilleux qui est l'éternité dans le feu de l'enfer. Donc il dit, le Coran est la parole d'Allah. Allah a parlé à travers le Coran. Les livres révélés sont la parole d'Allah. Il les a révélés pour ses serviteurs. Allah a effectivement parlé à Moussa alayhi salatu wassalam et il a parlé à Muhammad sallallahu alayhi wasallam la nuit du voyage nocturne et de l'ascension. Il appellera le jour de la résurrection où sont mes associés. Et aussi, il a été rapporté dans le verset et lorsque ton Seigneur appela Moussa dans Surat Ash-Shu'ara, les poètes, verset 10. Par conséquent, l'appel ne s'effectue qu'avec des lettres et une voix en fonction de ce qui sied à Allah. Cela ne ressemble ni à la voix, ni aux lettres, ni à la parole des créatures, comme il convient à sa majesté, subhanahu wa ta'ala. Donc Allah parle, et la parole d'Allah, tabarak wa ta'ala, constitue une qualité de perfection. Effectivement, chez les créatures, les objets, les animaux, ils ne parlent pas. Ils sont inférieurs aux humains qui, eux, parlent. Donc Allah a honoré l'être humain et il l'a fait d'une manière parfaite en cela. Et parmi les signes les plus particuliers de sa perfection, c'est le fait qu'il parle. Allah a doté aussi aux anges le fait de parler, ainsi qu'aux humains et aux djinns. Donc la parole fait partie des attributs de perfection, des qualités de perfection. Et Allah est parfait, subhanahu wa ta'ala. Et il accorde une partie de sa perfection à qui il veut parmi ses serviteurs et ses créatures. Une partie, bien sûr. Donc, la parole est une qualité de perfection. Quiconque renie la parole, la science et le pouvoir d'Allah, il l'aura en cela blasphémé et insulté. D'ailleurs, les mécréants de Quraysh, ils ont dit, comme dans Sourate Al-Muddathir, ce n'est là que la parole d'un humain. Donc Allah a réprouvé les insultes qu'ils ont dit. Parmi les insultes qu'ils ont dit, ce n'est là que la parole d'un humain. Donc la parole d'un humain créé. Donc s'il dit cela et Allah les a menacés, et il a dit « Sa'uslihi saqar », je vais le brûler dans le saqar, celui qui dit ça. Donc ça montre bien que cette parole est une insulte envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la parole d'Allah n'est pas une créature. Et on peut trouver Al-Mu'tazila, Al-Jahmiya, Al-Batiniya, Al-Rafida, Al-Khawarij et certains même Asha'ira dire des propos différents concernant la parole d'Allah. Mais cela revient à la même chose. Au bout du compte, c'est pour dire qu'elle est créée. Même les Asha'ira qui ont été influencés par les Mu'tazila, les premiers parmi les Asha'ira, ils disaient la parole est une qualité existant dans l'être d'Allah. Mais ce Coran n'est pas sa parole, seulement une imitation de sa parole. Sa parole est une qualité existante dans son être. Elle n'est ni une lettre, ni un son, et il n'a pas parlé. Ce Coran n'est-il pas sa parole? Subhanallah. Allah, il dit, وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. Et si un parmi les associateurs te demande protection, donne-lui protection jusqu'à ce qu'il entende la parole d'Allah. Donc, on voit bien que l'Asha'ira, ils ont été influencés par ça. Et d'ailleurs, les derniers parmi l'Asha'ira, ils sont revenus à leur base d'égarement en disant que c'est créé. D'ailleurs, quand on leur a demandé de trouver un texte de langue arabe qui prouve que quand on dit Al-Kalam, la parole, cela veut dire Al-Kalam al-Nafsi, la parole en soi, ils n'ont pas été capables de le trouver même dans les poésies anti-islamiques. Ils ont été contraints de mentir et d'inventer une poésie et de l'attribuer à quelqu'un avant l'islam. Allahu Akbar. Donc quand ces gens ils ont commencé à éprouver la communauté en disant c'est la parole d'Allah qui l'a créé hors d'un lieu, ils disaient également c'est la parole d'Allah, mais dans le même sens que tu dirais la chamelle d'Allah, la maison d'Allah, c'est-à-dire la créature qui appartient au créateur. Donc ils ont fait une ruse. C'est pour ça que l'imam Ahmad a dit ça suffit pas de dire c'est la parole d'Allah, comme on dirait la maison d'Allah. La chamelle d'Allah dans le Coran, naqatullah, c'est-à-dire la chamelle qui appartient à Allah, sa créature, la maison d'Allah. Eux, ils ont dit oui, parole d'Allah dans le sens, la parole qui appartient à Allah, qui est une créature d'Allah. Ils ont rusé. C'est pour ça que l'imam Ahmad a dit, ce n'est pas une créature. Le Coran est la parole d'Allah. Ceci n'est pas suffisant de dire, le Coran est la parole d'Allah. Pourquoi? Parce que le Jahmiya, et le Mu'tazila qui réfute le Coran, que le Coran est la parole d'Allah, disent c'est la parole d'Allah aussi. Mais eux, ils signifient par cela, c'est une créature à l'instar du propos, la chamelle d'Allah, la maison d'Allah. Comme la maison d'Allah est une créature et la chamelle d'Allah est une créature. Donc, ils ont trouvé cette ruse pour dire que c'est la parole d'Allah mais créée. Alors, nous, on dit la parole d'Allah incréée. Car si tu dis c'est la parole d'Allah puis tu te tais, sans rien ajouter, sans dire elle n'est pas créée, alors, Al-Mu'tazila ou Al-Jahmiya, ils s'accorderaient avec toi. Ils te diront oui, c'est la parole d'Allah, mais ils vont compléter par leur bid'ah, par leur innovation. Puis, il a dit, il faut n'avoir aucune mollesse en disant il n'est pas créé. La parole d'Allah n'est nullement distincte d'Allah. Donc, il veut dire par là que c'est une qualité dhatiya qui fait partie de l'être, de l'entité d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Mais il parle quand il veut, subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il veut. Donc, la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, n'est pas séparée de lui. Il répond aux Mu'tazila qui disent qu'Allah a créé sa parole sans lieu. Donc, la parole est une qualité d'Allah, tabaraka wa ta'ala, comme son pouvoir, comme sa volonté, et il fait partie des qualités éternelles, se trouvant dans l'être d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ce sont des qualités de perfection. De la même manière qu'il crée quand il veut, il parle quand il veut, subhanahu wa ta'ala. Comme Allah ta'ala a dit dans surat Yassin, dans le sens des versets, verset 82, quand il veut une chose, son commandement consiste à dire « soit » et cette chose est. Donc, on voit que toute chose qu'Allah crée, il dit « soit », il parle, il dit « soit » et cette chose est. Donc, l'imam a dit, rahimahullah, la parole d'Allah n'est pas séparée de lui. Donc, ça veut dire que l'attribut de la parole existe dans son être. Quand on Coran, on l'entend et sa parole est entendue. Quand on dit les paroles d'Allah n'est pas séparées de lui, cela signifie que cette qualité se trouve en son être pour répliquer comme on a dit aux Mu'tazila qui disent Allah a créé sa parole sans lieu. Puis l'imam dit et il n'y a rien en lui qui soit créé. Méfie-toi donc de discuter avec celui qui apporte des innovations à ce propos. Donc, il rappuie le fait de l'interdiction du débat et de discuter en religion. Mais, quand il y a un besoin de faire le débat, on le fait. Lui-même, l'imam Ahmed, il a débattu avec Ahmed ibn Abi Douad, la tête des innovateurs, quand c'était nécessaire pour montrer son égarement et son innovation. Puis il cite celui qui parle de la prononciation, etc., ou qui s'abstient en disant, je ne sais pas si elle est créée ou pas. Quand il y a eu l'épreuve à l'époque de l'imam Ahmed, concernant la création du Coran, qu'il y a eu une division entre les gens de la Sunna et le Jahmiya et le Mu'tazila de l'autre côté, certaines personnes qui s'apparentaient à la Sunna ont commencé à dire « Le Coran est la parole d'Allah et ma prononciation du Coran est une créature. » L'imam Ahmed a réprimandé cela. Pourquoi ? Parce que la parole « wa lafzi bil Coran » en langue arabe, cela peut supposer qu'il s'agit de la chose prononcée, c'est-à-dire le Coran même. Ou bien cela peut supposer que c'est le son avec lequel on parle. Donc, on ne peut pas dire une parole équivoque qui peut supposer que ma parole, elle rejoint la parole des innovateurs. Quand on dit une parole, on ne doit pas dire une parole équivoque qui peut être interprétée dans le sens des innovateurs. Mais on doit dire une parole claire. C'est la parole d'Allah qui n'est pas créée. Et on ne dit pas... ma prononciation du Coran est créée. Parce que cela peut coïncider avec la croyance des innovateurs. Car l'offre dans langue arabe, cela peut revenir au sens de ce qui est lu, c'est-à-dire le Coran en lui-même. Donc, cela rejoindra la croyance des innovateurs. Donc, compte tenu du fait que ce terme peut supposer le faux, et que le Jahmi et le Mu'tazili, parmi ceux qui disent que le Coran est créé, peuvent l'exploiter pour égarer les gens en disant que ma prononciation du Coran est créée, alors qu'il veut signifier la chose prononcée qui est la parole, alors l'imam Ahmed a dit, quiconque dit ma prononciation du Coran est créée est un innovateur en religion. Subhanallah. Il a dit une parole équivoque, ça a suffi pour dire que c'est un innovateur en religion. Ou bien l'autre qui s'abstient en disant je ne sais pas si c'est créé ou pas. Ce dernier aussi est un innovateur, car ce n'est rien d'autre que la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc on dit la parole d'Allah n'est pas créée. On ne dit pas ma prononciation du Coran est créée. parce que c'est un prétexte qui permet aux hommes du faux de parvenir à dire que le Coran est créé. De même, ne t'abstiens pas de prononcer, c'est-à-dire il faut être catégorique et de dire c'est la parole d'Allah qui n'est pas créée, clairement, comme l'exige le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la croyance des compagnons et des pieux prédécesseurs. Quand la personne, elle s'abstient de se prononcer, elle devient suspecte, car cela constitue une innovation religieuse et une négation des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Autrement dit, ce genre d'expression et d'innovation religieuse apparue lors de cette épreuve, et notamment lorsqu'elle s'accentua, c'est ainsi que certains s'abstinrent de se prononcer. Il faut être clair, on dit le Coran est la parole incréée d'Allah, et c'est tout. On ne dit pas ma prononciation du Coran est créée, on ne s'abstient pas, il n'est pas permis de s'abstenir ni de dire ma prononciation du Coran est créée. Donc il a dit aussi l'imam Ahmed, et qui s'abstient en disant je ne sais pas si c'est créé ou pas, celui-là, mashallah, il fait exprès d'être prudent, comme s'il prenait des précautions. Et certains s'étaient prononcés ainsi à l'époque de l'imam Ahmed ibn Hanbal. Alors il montre que ici c'est pas des précautions ni la prudence, mais il a jugé ces personnes comme étant des innovateurs. C'est-à-dire celui qui doute et qui veut pas dire que c'est pas créé, c'est un innovateur. Il y avait un imam du hadith à l'époque de l'imam Ahmed, Ya'qub ibn Abi Shayba, qui s'était abstenu de se prononcer sur ce sujet en disant « Je ne sais pas si c'est créé ou pas. » L'imam Ahmed rétorqua « C'est un innovateur égaré. » Quand l'imam Ahmed fut consulté par le calife pour lui léguer le poste de juge, alors il a dit « Non, c'est un égaré. » Après, il parle ici du calife qui a innocenté l'imam Ahmed et qui est revenu sur la bonne croyance. D'ailleurs, l'imam Ahmed ibn Hanbal, il a même conseillé le calife d'utiliser les juifs et les chrétiens plutôt que les hommes des sectes. Car un juif ou un chrétien dans une société musulmane qui est sur une bonne croyance, où les musulmans sont en force avec les lois d'Allah, tout le monde sait qu'il est égaré. Ils ne vont pas être trompés par ses croyances. Ils savent qu'il est utilisé juste pour ses compétences matérielles dans ce dunya. Par contre, un innovateur musulman, il y a la foi en islam qui nous lie. Il y a la fraternité musulmane. Donc il peut tromper les gens et glisser ses fausses croyances auprès des gens. C'est pour ça qu'ils sont plus dangereux, les innovateurs. Pas dans le sens où ils sont pires. Non, les juifs et les chrétiens sont pires auprès d'Allah qu'un innovateur. Mais les innovateurs sont plus dangereux car leur égarement est caché par rapport à celui des juifs et des chrétiens dont leur égarement est apparent. D'ailleurs, ce sont les innovateurs qui ont été la cause de faire tomber les musulmans dans l'humiliation et dans la faiblesse et sous la domination des juifs et des chrétiens en tout temps, du fait qu'ils ont tout fait pour égarer les musulmans. Puis on finit par la parole où l'imam dit « Ce dernier donc est donc un innovateur en religion. Il est semblable à celui qui dit le Coran est une créature. Or, c'est uniquement la parole d'Allah et non une créature. » Donc celui qui s'abstient de se prononcer ou qui dit « ma prononciation du Coran est créée » sont tous au même pied d'égalité que celui qui traite le Coran de créature. On va s'arrêter là, inshallah. Wallahu ta'ala, a'la wa a'lam.